J'ai pas la prétention d'être un putain de rappeur, mais j'ai plutôt l'impression d'être un peu moins qu'un amateur. Ouvrez grand tes oreilles, collez derrière l'émetteur. Je suis dans l'interview avec l'animateur. Il me pose plein de questions, évidemment je lui réponds. Quelles études as-tu fait? Mais Raymond gars, c'est le piston. Je me prends pas la tête, je sais bien qu'il n'est pas bête. Mais seulement moi, je ne pense pas qu'à faire la fête. Mon rêve c'est de faire ce que j'aime et de n'avoir aucun problème. Si un jour je fais du rap, ça sera sûrement pas un poème. J'essaierai de me perfectionner, d'écrire des choses sensées, comme la rumeur, Medine, Alpha ou encore Kazé. Me compare pas aux plus grands, tu sais bien je suis qu'un débutant. J'ai pas besoin qu'on me dise des trucs réconfortants. Moi je veux faire ce que j'aime sans avoir aucun problème. Pense aux plus grands rappeurs et me dire que c'est un emblème. Si un jour je fais carrière, je pourrais mettre les problèmes derrière. Si un jour je fais carrière, je pourrais mettre les problèmes derrière. Moi mon petit dicton c'est toujours aller plus loin. Même si des fois je vais un peu trop loin. Enfermé dans ta chambre en train d'écrire des textes. Si tes parents t'engueulent tu pourras trouver un bon prétexte. La musique tu sais est un milieu complexe. Si tu veux faire carrière t'as intérêt de faire des bons textes. Moi je veux faire ce que j'aime sans avoir aucun problème. Penser aux plus grands rappeurs et me dire que c'est un emblème. Si un jour je fais carrière je pourrais mettre les problèmes derrière. Moi je veux faire ce que j'aime sans avoir aucun problème. Penser aux plus gros rappeurs et me dire que c'est un emblème. Si un jour je fais carrière, je pourrais mettre les problèmes derrière. Si un jour je fais carrière, je pourrais mettre les problèmes derrière.